بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. On commence le cours numéro 52 aujourd'hui dans l'explication du livre de l'imam al-Sabouni, Aqidat al-Salaf wa Ashab al-Hadith, avec le sharh du Sheikh Rabi' ibn Hadi al-Madkhali, hafizahullah ta'ala. Et le chapitre dans lequel on est rendu maintenant, c'est le chapitre qui s'intitule « La yukaffar ahadun minal muslimina bikulli dhamb ». C'est-à-dire, on ne déclare pas un musulman ou un d'entre les musulmans mécréants pour un péché. Et on a commencé à expliquer à ce sujet le fait qu'il y a dans les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam et dans les versets du Coran des preuves qui indiquent que une personne qui est musulmane, si elle commet des péchés et qu'elle meurt sur ce péché, eh bien, yani, elle est sous la volonté d'Allah Azza wa Jal. Mais que du moment qu'elle n'a pas fait de shirk majeur ou de kufr majeur, elle, même si elle entre en enfer, elle ne va pas y demeurer éternellement et qu'elle va en sortir éventuellement. Et les preuves à ce sujet-là, c'est les preuves à propos de l'intercession. Il y a des versets dans le Coran qui montrent ou qui indiquent l'intercession dans plusieurs versets. Et il y a les hadiths de l'intercession aussi, dans lesquels le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mentionné justement que toute personne qui a un atome de foi dans le cœur va sortir de l'enfer. Donc ça, c'est la preuve que si quelqu'un parmi les musulmans a commis des grands péchés, il n'est pas kafir. Il ne va pas être éternellement en enfer, contrairement à ce que disent les khawarij et les mu'tazila. Maintenant, on a expliqué également avant ça au dernier cours le fait que Allah Azza wa Jal, il a prescrit pour les gens qui commettent des grands péchés certaines peines et certaines punitions. Et ces punitions-là, yani, sont diverses selon le péché, que ce soit par exemple la lapidation pour le zina ou bien la flagellation pour l'adultère, la flagellation pour la fornication. Et ça, c'est la preuve que ces gens-là, lorsqu'ils sont coupables de ces crimes et qu'on applique sur eux la peine, eh bien, ils ne sont pas sortis de l'islam, puisqu'on va prier sur eux et faire la janaza, hein, et on va les enterrer dans le cimetière des musulmans et on va hériter d'eux, et ainsi de suite. Donc, si ce n'étaient pas des musulmans, parce qu'ils avaient commis un grand péché, eh bien, ils ne seraient pas, on ne prierait pas sur eux, on ne ferait pas la janaza, et on ne les aurait pas enterrés dans un cimetière musulman, et on n'aurait pas pu hériter d'eux. Donc ça réfute les khawarij encore une fois, que ce soit pour ces péchés-là ou d'autres, pour lesquels il y a des peines. Et donc, le cheikh, il continue à clarifier ces points-là. Il dit فأحاديث الشفاعة نفسها حجة على المرجئة خاصة الغلاة منهم الذين يقولون من قال لا إله إلا الله يدخل الجنة أو الذين يقولون إنه كامل الإيمان فإذا كان كامل الإيمان فكيف يعذبه الله عز وجل. Donc les hadiths de la shafa'a, non seulement c'est une réfutation pour les khawarij et les mu'tazila, mais c'est également une réfutation pour les murji'a aussi, ceux qui excluent les actions de la foi. Et la raison pourquoi c'est une preuve contre eux, c'est parce que, en particulier les extrémistes parmi eux, ils disent que du moment que quelqu'un a dit « La ilaha illallah », il ne va jamais entrer en enfer. Or, les hadiths de la Shafa'a prouvent que certains croyants vont aller en enfer et qu'ils vont rester un certain temps en enfer, sauf qu'ils ne vont pas y demeurer éternellement. Donc, ça, c'est qu'est-ce qui contredit la croyance des Murji'a, parce que eux ils considèrent que si un musulman a dit la ilaha illallah, que sa foi elle est complète, peu importe ce qu'il fait comme péché et peu importe ce qu'il a négligé comme obligation religieuse. Donc ça, c'est clair que leur aqida elle est batila, hein, et que yani, ils contredisent les textes du Coran et de la Sunna à ce sujet-là, puisque eux ils disent si quelqu'un a la foi complète, comment Allah va-t-il le châtier. Hein? Et le cheikh explique ensuite, il dit wal murji'a aqsam. منهم من يقول الإيمان مجرد المعرفة ومنهم من يقول الإيمان التصديق والنطق باللسان فقط والعمل لا يدخل في الإيمان لا صلاة ولا صوم ولا لا صلاة ولا صوم ولا زكاة وعلى هذا إيمانه لا ينقص لو ترك العمل ما نقص إيمانه فإيمانه كإيمان جبريل وميكائيل فكيف نصنع بالأحاديث التي تقول يخرج الله من النار من كان عنده مثقال دينار أو نصف دينار أو مثقال ذرة أو أدنى من مثقال ذرة ألا يدل هذا على النقص يدل على النقص النهائي والعياذ بالله فأهل السنة هم الوسط دائما بين الفرق أما هؤلاء إما إلى الجفاء وإما إلى الغلو أهل السنة لا جفاء ولا غلو لا إفراط ولا تفريط بل يجمعون بين النصوص فالمرجئة تتعلق بنصوص الوعد والخوارج والمعتزلة يتعلقون بنصوص الوعيد وأهل السنة يوفقون بين نصوص الوعد والوعيد فأولئك يصدق عليهم قول الله تبارك وتعالى فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله فما من صاحب بدعة إلا وتجده يتتبع الشبهات أو يتتبع المتشابهات ويعرض عن المحكمات وأهل السنة يأخذون بالمحكمات ويرجعون المتشابهات إلى المحكمات بالتوفيق بينها بتخصيص العام وتقييد المطلق والناسخ والمنسوخ عندهم وإلى آخره ولكن الناسخ والمنسوخ لا يدخل في الأخبار يعني الشاهد أنهم لا يضربون النصوص بعضها ببعض كما يفعل هؤلاء وهؤلاء المرجئة يتعلقون بنصوص الوعد ويتغافلون عن نصوص الوعيد التي جاءت في حق أهل الكبائر فالله عز وجل توعد آكل مال اليتيم بقوله إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا وورد الوعيد لآكل الربا وللزاني والسارق ولشارب الخمر والعقوبات في الدنيا على هذه المعاصي ومع ذلك عندهم هؤلاء المرجئة لا ينقص إيمانه عند غلاتهم يدخل الجنة ولا يدخل النار ولا تمسه donc on va lire, on va traduire ce qu'on a lu maintenant. Donc le cheikh il explique que les murji'a sont divisés en différents groupes. Les murji'a c'est pas un seul groupe unique, il y a différentes catégories de murji'a et certains sont dans des degrés de déviation plus sévères que d'autres. D'accord? Donc parmi les murji'a, il y en a qui sont les plus extrêmes dans leurs égarements. Hein, il y a ceux qui disent que yani, la foi c'est seulement la connaissance. C'est-à-dire si tu connais Allah Azza wa Jal, tu es mu'min. Donc pour eux Pharaon est un mu'min, Iblis est un mu'min. Pourquoi? Parce qu'ils connaissent Allah al-musta'an. Et il dit « وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولَ الْإِيمَانَ التَّصْدِيقِ » Donc il y en a d'autres parmi les murji'a, d'autres sectes ou d'autres groupes qui disent que c'est « الإيمان » c'est « التصديق » seulement. Ils disent « la foi c'est seulement le fait de croire dans le cœur ». Donc si tu crois dans ton cœur, même si tu dis rien avec la langue, même si tu fais rien avec tes actions, tu es mu'min et tu rentres, ça veut dire que les actions ça rentre pas dans la foi pour eux. Hein, ni la salat, ni le jeûne, ni la zakat. Et il y a d'autres parmi les murji'a Hein? Ils disent que la foi, c'est juste at-tasdiq bil qalb wa an-nutq bil lisan. Hein? Donc, ceux qui disent que c'est seulement at-tasdiq, comme les Asha'ira et les Maturidiya, eux, ils disent c'est juste la foi dans le cœur. Et ils incluent pas les paroles de la langue dans la foi, ni les actions. Et il y a une autre catégorie qui sont les Murji'a, qu'on appelle Murji'atul Fuqaha. Et eux, ils disent que la foi, c'est de croire avec le cœur et de dire la parole avec la langue, la parole de la foi. Mais que c'est seulement ça qui fait partie de la foi et qui compose la foi. Les actions n'entrent pas. C'est-à-dire qu'il y a différents degrés d'égarement parmi les Murji'a, mais le point sur lequel ils sont tous d'accord, c'est que les actions ne font pas partie de la foi. Certains, ils divergent à propos des paroles. Est-ce que ça rentre ou non? Et il y en a d'autres qui disent non, c'est seulement la croyance du cœur. Et il y en a d'autres qui disent non, c'est même pas la croyance du cœur, c'est la connaissance du cœur seulement. Donc, vous voyez les degrés? C'est ça les divergences qui existent entre les groupes des Murji'a. Et donc, le cheikh, il dit, si quelqu'un, donc par exemple, il dit, si quelqu'un, par exemple, il ne fait pas la salat, il ne fait pas le jeûne, il ne fait pas la zakat, il dit, ça ne diminue pas sa foi. Ça ne fait pas diminuer sa foi. Et s'il fait tous les péchés, zina, il vole, il boit de l'alcool, il mange du porc, fait le zina. Du moment qu'il croit avec le cœur, il est mu'min. Sa foi est complète. C'est-à-dire que le fait qu'il néglige ses obligations ou qu'il abandonne les obligations et qu'il fasse tous les interdictions, ça n'affecte pas sa foi, selon les Murji'a. Ça n'affecte pas sa foi. Et sa foi ne diminue pas à cause de ça. Donc, eux, ils considèrent que la foi de celui-là, c'est-à-dire celui qui fait les péchés et qui ne s'écarte pas des interdictions et qui ne met pas en pratique les obligations, ils considèrent que sa foi, elle est comme la foi de Djibril et de Mikaïl ou des prophètes, ou des sahaba, et ainsi de suite. Wa alaykoum salam wa rahmatullah. Donc le cheikh, il dit, comment dans ce cas-là, qu'est-ce qu'ils vont faire dans ce cas-là avec les hadiths, comme les hadiths de l'intercession qui disent que Allah Azza wa Jal va faire sortir de l'enfer quiconque avait le poids d'une pièce d'or de foi. Le poids d'une pièce d'or de foi. Ou le poids de la moitié d'une pièce d'or de foi. Ou le poids d'une graine, ou le poids de la plus petite particule possible. Donc, Allah va les faire sortir de l'enfer s'ils ont même une petite particule de foi, même plus petite qu'une atome. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que les Murji'a, ils considèrent que la foi, elle diminue pas, tandis que ces hadiths-là prouvent que la foi, elle diminue. Parce que si la foi peut être un dinar, une moitié de dinar, une graine de moutarde, ou bien un atome ou une particule plus petite que l'atome, ça prouve que la foi, elle est en degré, elle diminue. Et elle augmente et elle diminue. Donc ça, c'est une réfutation pour les Murji'a aussi. Ça réfute les Khawarij et ça réfute les Murji'a. Parce que les Khawarij, ils disent, si quelqu'un rentre en enfer, il ne va jamais en sortir. Aussitôt qu'il rentre, ça veut dire qu'il est kafir. Allah al-Musta'an. Donc le Cheikh, il dit, les gens d'Ahl al-Sunnah, les gens d'Ahl al-Sunnah sont les gens du juste milieu. C'est-à-dire qu'ils sont toujours dans la position de justice et de vérité entre les extrêmes des sectes. Et donc, par exemple, on voit dans la question de la foi et la question de la situation des musulmans lorsqu'ils font des péchés, vis-à-vis la position qu'ils ont vis-à-vis de ces musulmans-là qui commettent des péchés, on voit que les gens de la sunna sont dans le juste milieu par rapport aux extrêmes. Par exemple, ceux qui sont extrêmement laxistes et qui considèrent qu'il n'y a rien qui peut affecter la foi, du moment que tu es croyant, ta foi va toujours être complète, donc tu peux faire ce que tu veux puis ça ne dérange pas. Et ceux qui sont tombés dans l'extrême ou dans l'exagération et qui vont considérer que du moment que tu commets un péché, tu quittes complètement la foi, il ne te reste plus rien. Parce que les khawarij et les murdia sont deux extrêmes. Les murdia, ils disent, si tu as la foi, tu ne peux pas la perdre. Une fois que tu l'as, elle est toujours complète. Et les khawarij, ils disent la même chose. Sauf qu'ils disent que tu peux la perdre et que si tu perds une partie, tu perds tout. Donc, les khawarij, entre eux, c'est comme c'est soit tout ou rien. Soit que tu as tout, alors tu ne peux pas le perdre, ou soit que tu as tout, et si tu perds une partie, tu perds le tout. Ça, c'est les deux extrêmes, les murji'a et les khawarij. Et le juste milieu, c'est la position d'Ahl Sunnah, qui disent, non, la foi, c'est un tout, mais en même temps, il y a des parties. Et qu'elle peut diminuer, elle peut augmenter. Et du moment que ça ne touche pas le cœur de la foi, c'est-à-dire les bases et les fondements, eh bien, tant que la base, elle est là, si le reste diminue ou augmente, eh bien, tu es toujours un croyant, sauf que tu es un pécheur avec une foi faible. La preuve que ça augmente comme les montagnes, mais en fait, c'est que il n'y a pas de limite. C'est comme quand on dit que la foi d'Abu Bakr, radiallahu anhu, elle est, si tu la mets dans la balance, elle équivaut à la foi de toute la Ummah. Donc, il n'y a pas de limite. Donc, la montagne, c'est juste pour donner un exemple. Mais c'est pas pour dire que c'est nécessairement aussi gros qu'une montagne. Et en même temps, les montagnes, même entre elles, il y a différentes grandeurs de montagnes. Il y a des petites montagnes, il y a des grandes montagnes. Donc, c'est juste une image pour te faire comprendre que la foi, elle peut être immense, comme la foi, elle peut être très petite. Et que entre les deux aussi, il y a des différents niveaux de foi, différents degrés de foi aussi. Oui, ça c'est une réponse qui est courante chez les murji'a. Lorsqu'on vient pour leur donner la nasiha, lorsqu'ils font un péché, et que, par exemple, tu leur expliques ça, qu'ils doivent faire ce qui est obligatoire, ou qu'ils doivent s'abstenir de ce qui est haram, et ces gens-là, ils répondent en disant « Oui, mais la foi, c'est dans le cœur. » Alors, oui, ça, c'est une caractéristique des murji'a, parce qu'ils pensent qu'il n'y a pas de lien entre le cœur et les actions. Et ça, c'est faux. Parce que si quelqu'un, il a réellement la foi dans le cœur, et que sa foi dans son cœur, elle est forte, eh bien, sa foi va forcer son corps à agir d'une certaine façon, à faire ce qui est obligatoire et à s'abstenir de ce qui est interdit. Mais si sa foi, elle est faible, sa foi n'a pas la force de le pousser à faire l'action. Donc ça, c'est ce qui prouve que la personne, sa foi, elle est incomplète ou elle est faible, ses passions sont plus fortes. Et la personne, peut-être, elle ne lutte pas contre ses désirs suffisamment. Donc, ça, c'est toujours une relation entre le cœur et les actions. Et les ulama, ils disent, le cœur, c'est comme le roi. Et les membres, c'est les soldats. Donc, le cœur, il t'ordonne de bouger. Donc, quand c'est là de la salat, le cœur, c'est le maître dans le corps. Il dit, lève-toi, fais ta salat. Hein? Donc, si ta foi est forte, tu vas te lever, tu vas faire ta salat. Mais si ta foi est faible, tu vas rester assis, puis tu vas dire, « Ah, je suis fatigué. Ah, je n'ai pas envie. Ah, je vais le faire plus tard. » Hein? Mais ça, ça veut dire que la foi, elle est faible. Hein? Donc, si quelqu'un te dit, quand tu lui dis, « Lève-toi, fais ta salat », il te dit, « La foi, c'est dans le cœur », tu lui dis, « Si ta foi... » Hein, tu lui dis, « C'est vrai, la foi, c'est dans le cœur. » Sauf que quand ta foi dans ton cœur, elle est forte, elle va te pousser à agir. Et si, lorsque tu dis que ta foi est dans ton cœur, tu fais le contraire de la foi, ça prouve que la foi qui est dans ton cœur, elle est très, très, très faible. Parce que si elle était forte, tu ferais des actions qui sont différentes. Tu ne ferais pas ce qui est interdit. Et tu ferais ce qui est obligatoire. Hein? Et à un niveau même, si ta foi est très, très forte, non seulement tu vas faire ce qui est ordonné, tu vas même faire ce qui est recommandé. Et non seulement tu vas t'abstenir de ce qui est haram, tu vas même t'abstenir de ce qui est détestable, hein, de ce qui est makro. Donc ça, c'est des degrés de foi. D'accord? Et donc, il y a le lien entre la foi dans le cœur et les actions du corps. Et les deux, tu ne peux pas les séparer. Hein? Est-ce que tu penses que c'est possible si je te dis, lève-toi, faire ta salat, je te donne 100 000 dollars. Est-ce que tu ne vas pas te lever pour faire ta salat? Hein? Même celui qui n'est pas croyant, même quelqu'un qui n'est même pas mu'min, un munafir, il va se lever, il va prier. Hein? Pour 100 000 dollars, il va faire ça, oui. Même un kafir, il va prier pour 100 000 dollars. Mais si je te dis, lève-toi, fais ta salat, Allah il te donne le paradis. Là, tu ne te lèves pas. Hein? Pourquoi tu ne te lèves pas? Pourtant, le paradis, c'est bien plus que 100 000 dollars. Hein? Donc, c'est ta foi là qui est en question. Hein? Donc, c'est ça en fait la différence. Mais pourquoi lorsque je te dis 100 000 dollars, tu te lèves? Ton cœur, il te fait réagir tout de suite. Et ça te fait des actions. Est-ce que tu vas dire, ah, l'argent c'est dans le cœur? Hein? Tu dis, je te donne 100 000 dollars. Tu dis, non, l'argent c'est dans le cœur. J'ai pas besoin. Hein? Tu vas pas dire ça. Tu vas pas dire l'argent c'est dans le cœur. Tu vas te lever tout de suite, hein, pour le faire. Donc tout ça pour dire, ceux qui disent la foi c'est dans le cœur, hein, ils font pas d'efforts, ils font pas ils s'activent pas pour faire les œuvres et pour s'écarter des choses haram. Ça veut dire que leur foi, elle est faible. Ou bien peut-être même que leur foi, elle est absente complètement. Donc, il faut voir vraiment que les gens qui disent ça, c'est une, comme tu dis, une des caractéristiques qui ressemble à la croyance des murji'a, réellement. Et les soufis, il y a beaucoup de soufis, ils ont cette croyance-là. Parmi les soufis, beaucoup d'entre eux sont des murji'a. Allah al-musta'an. Donc, Ahl-Sunnah, ils sont entre les deux extrêmes. L'extrême des Murji'a et l'extrême des Khawarij. Et donc, les gens d'Ahl-Sunnah, ils réunissent entre les textes de la révélation. Hein? Ils ne frappent pas un hadith contre un autre. Ils ne frappent pas un verset contre un autre. Ou un verset contre un hadith, les uns contre les autres. Non. Pourquoi? Parce que la religion d'Allah, il n'y a pas de contradiction dedans. Il n'y a pas de contradiction entre les versets, il n'y a pas de contradiction entre les hadiths, et il n'y a pas de contradiction entre les versets et les hadiths ensemble. Non. Donc ça aussi, c'est une autre mauvaise conception que certaines personnes peuvent avoir. Ils s'imaginent que ce qui est obligatoire, c'est seulement ce qui est mentionné dans le Coran. Et si c'est mentionné dans la Sunna, ce n'est pas obligatoire. Hein? Et si quelque chose est interdit dans le Coran, ça c'est haram. Mais si c'est pas interdit dans le Coran, c'est interdit dans la Sunna, c'est makro. Hein? Non, c'est pas comme ça. Qu'est-ce qui est interdit, que ce soit dans le Coran ou dans la Sunna, les deux c'est pareil. Et qu'est-ce qui est obligatoire, que ce soit dans le Coran ou dans la Sunna, c'est pareil. Oui, c'est comme une façon de dénigrer ou de rabaisser la Sunna, comme si c'était moins important que le Coran. Et pourtant, Allah Azza wa Jalla dans le Coran, il nous ordonne d'obéir aux messagers, hein, Donc, si tu crois vraiment au Coran, tu dois obéir au messager. Et en même temps, Allah Azza wa Jalla dit « وَمَنْ يُتَعَ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَعَ اللَّهِ » Celui qui a obéi au messager, il a obéi à Allah. Donc, quand tu obéis à la sunna et tu suis la sunna, tu as obéi à Allah et tu as suivi le Coran. Si tu contredis la sunna, tu contredis le Coran. Et si tu suis la sunna, tu obéis au Coran. Donc, celui qui te prétend ou qui te dit « Moi, je suis le Coran seulement », ça veut dire que lui, il ne croit pas au Coran. Parce que s'il croyait au Coran, il suivrait la sunna. Parce que c'est le Coran qui nous ordonne de suivre la sunna. D'accord? Donc, ça, c'est important. Et puis ensuite, le cheikh, il dit que les murji'a, eux, ils se sont accrochés au texte de la promesse de la miséricorde et du paradis. Et ils ont seulement regardé cet aspect-là. Allah est Ghafur Rahim. Allah, celui qui a la miséricorde, qui est pardonneur, miséricordieux. Il ne regarde que ça. Et Allah, il va donner le paradis aux mu'minines. Il ne regarde que ça. Et les Khawarij et les Mu'tazila, eux, c'est le contraire. Ils regardent que les versets qui disent Allah shadid al-iqab. Allah, shadidun, inna Allah azizun zuntiqam. Puissant, dur en châtiment, sévère en punition. Celui qui détient la vengeance. Hein? Donc, ça, c'est des attributs d'Allah, et ça, c'est des attributs d'Allah. Il n'y a pas de contradiction entre les deux. Il est miséricordieux et pardonneur pour ceux qui se repentent et qui font les causes pour obtenir la miséricorde d'Allah et qui font les bonnes œuvres. Et il est dur en châtiment pour ceux qui transgressent et qui désobéissent et qui font de l'injustice et qui s'écartent de sa voie. Donc, il n'y a pas de contradiction entre les deux. Mais ces gens-là, eux, ils n'ont pas compris ça. Ils ont pris un et l'autre, ils ont pris l'autre côté. Et comme Allah Azza wa Jal, il dit à propos des gens d'égarement, hein, il dit Alladina wa la takunu min al-mushrikin min alladina farraqu dinahum wa kanu shi'an kullu hizbin bima ladayhim farihun. Ne soyez pas comme ceux qui ont divisé leur religion, sont devenus des sectes, chaque groupe se réjouissant de ce qu'ils tiennent, hein, de ce qu'ils ont. Donc eux, ils ont les textes qui parlent de la promesse de la miséricorde, ils se réjouissent de ça. Et les autres, ils ont les textes qui parlent de la menace, du châtiment de l'enfer, hein, et du châtiment d'Allah, et ils se réjouissent de ça. Et ils oublient l'autre. Dans surat, je pense que c'est dans surat Ar-Rum. On attaque le minal mushrikin. Min alladhina farraqu dinahum wa kanu shi'an. Kullu hizbin bima ladayhim farihun. Surat Ar-Rum. Donc, يعني سبحان الله. Allah Azza wa Jal, il dit aussi que dans le verset 7 dans surat Al-Imran, il dit فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَبَهَ مِنْهُ. Ça, c'est un verset très important pour comprendre, hein, ces choses-là. Verset 7 dans surat Al-Imran, c'est un verset parmi les versets qui explique ce principe qui est parmi les plus importants. C'est que Allah Azza wa Jalla dit, c'est lui qui a fait descendre le livre. Parmi ces versets, il y en a qui sont muhkamat, c'est-à-dire qui sont explicites et sans équivoque et clairs. Hein? Et c'est la base du livre. Et il y a d'autres versets qui sont mutashabihat, c'est-à-dire qui peuvent avoir plusieurs sens et qui sont équivoques. Hein? Et il y a ceux qui ont une maladie dans le cœur qui suivent ceux qui peut être équivoque et peut être interprété de différentes façons expressément pour faire la fitna, hein, et expressément pour essayer de l'interpréter pour jouer avec la religion ou bien pour égarer les gens ou pour d'autres raisons. Donc ça, c'est la voie des gens d'égarement, et c'est ça que le cheikh il explique. Il dit la personne qui est sur la bid'ah, tu vas voir qu'il suit seulement les versets qui sont mutashabihat, c'est-à-dire qu'ils peuvent être interprétés de différentes façons. Naam. يعني les versets qui sont muhkamat et les versets qui sont mutashabihat. Mutashabihat, ça veut dire ils peuvent être interprétés de différentes façons. Ils peuvent être compris de façon diverse. Et les versets qui sont muhkamat, c'est les versets clairs, explicites, qui ne peuvent pas avoir d'autre sens que qu'est-ce qu'ils disent. Et ça, c'est les ulama qui savent. Hein? Et en même temps, le verset, c'est ça qu'il clarifie, en fait. Parce que le verset, il nous dit que les versets qui sont équivoques et qui peuvent avoir plusieurs interprétations, c'est seulement les savants qui peuvent vraiment les comprendre. C'est seulement Allah qui sait leur signification. Et ceux qui sont fermement ancrés dans la science, eux, ils savent son interprétation. Pourquoi? Pourquoi ils le savent? Parce que eux, ils savent comment ramener les versets qui sont équivoques aux versets qui sont explicites. Pour les expliquer. Donc, s'il y a un verset, par exemple, qui est équivoque et qui n'a pas une signification explicite, si quelqu'un parmi les ulama, il lit ce verset-là, lui, il le ramène à un autre verset dans le Coran qui le clarifie. Hein? Ou bien, il connaît un hadith dans la sunna qui l'explique. Hein? Et donc, comme c'est plein d'exemples, il y a beaucoup d'exemples de ça dans le Coran. Je vous donne juste un exemple comme pour vous faire comprendre. Le fait que à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Allah azza wa jal, il dit dans le Coran, alladhina yalbis alladhina amanu wa lam yalbisu imanahum bidhulmin ulaika lahumul amn wa hum muhtadun. Ça veut dire ceux qui ont cru et qui n'ont pas couvert leur foi d'injustice. Ceux-là auront la sécurité et sont bien guidés. Alors les sahaba, quand ils ont entendu ce verset, ils sont venus voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils ont dit, ô messager d'Allah, on a eu beaucoup d'ordres et beaucoup de règles dans le Coran et on a mis en pratique tout ce que Allah nous a ordonné. Mais ce verset, c'est trop. On n'est pas capable. Hein? Parce qu'il n'y a personne d'entre nous qui peut s'empêcher de se faire de l'injustice à lui-même. Alors, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, c'est pas ça que cela signifie. Ce verset-là, c'est pas ça qu'il signifie. Et il leur a expliqué, il a dit, n'avez-vous pas entendu la parole de Luqman, hein, lorsqu'il dit à son fils, Ya bunayya la tushrik billah, inna shirka la zulmun azim. Hein, oh mon fils, ne fais pas de shirk avec Allah. Certes, le shirk, c'est la plus grande injustice. Donc, le verset, dans cette surah qui dit walam yalbisu imanahum bizulm, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas couvert leur foi de shirk. Hein? C'est ça que ça veut dire. Ceux-là ils auront la sécurité, ils sont bien guidés. Donc ça, c'est un exemple comment yani on ramène les versets à qu'est-ce qui est muhkam pour le rendre clair. Et souvent les choses qui sont muhkamat, c'est des, comme par exemple des versets sur des principes, des choses qui se répètent souvent. Des versets sur des principes, des choses qui sont des bases de la religion, qui se répètent souvent, ou des hadiths qui se confirment les uns les autres, des versets qui se confirment les uns les autres. Et par exemple, des questions qui ont rapport avec les fondements de la ilaha illallah et le tawhid, et des choses de ce genre. Et si quelqu'un ramène un hadith qui est ambigu ou qui n'est pas explicite, ça veut dire que quelqu'un parmi les gens de Bid'a essaie de l'utiliser pour l'interpréter et lui donner un sens qui contredit ce qui est explicite. Alors à ce moment-là, les ulama le réfutent. Oui, ou bien ils prennent une partie du hadith ou une partie d'un verset. Comme par exemple, j'ai rencontré une fois des témoins de Jéhovah. Et ils m'ont cité un verset dans le Coran. C'est des témoins de Jéhovah, hein? C'est pas des musulmans. Mais ils me citent des versets dans le Coran pour me dire que, yani, soi-disant, il faut que je suive les témoins de Jéhovah. le verset qu'ils ont cité, c'était quoi? C'était le verset qui dit Ya ahl al-kitab lastum ala shay'in hatta tuqimu at-taurata wal-injil. Hein? En fait, dans le verset, ça veut dire quoi? Ça veut dire dis, ô Muhammad, ô vous les gens du livre, vous n'êtes sur rien tant que vous n'avez pas établi la Torah et l'Injil. Donc, ils ont dit, tu vois, c'est la preuve, il faut suivre la Torah et l'Injil. Et moi, j'ai dit, oui, mais est-ce que tu as lu la suite du verset? Hein? Ya ahl al-kitab lastum ala shay'in hatta tuqimu at-taurata wal-injil wa ma unzila ilaykum min rabbikum. Hein? Et ce que votre Seigneur vous a fait descendre sur vous, ou ce qui est descendu pour vous de la part de votre Seigneur, c'est-à-dire le Coran. Et après Allah il dit dans la suite du verset wa ma unzila ilaykum min rabbikum ولا يزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا فلا تأس على القوم الفاسقين. Donc c'est comme si la suite du verset ça les réfute complètement. C'est pour leur faire comprendre qu'ils doivent établir, c'est-à-dire croire à la Torah et à l'Injil et en ce qui a été révélé à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam de la part de leur Seigneur. Et il dit ensuite, mais ce qui a été révélé de la part de ce qui t'a été révélé, ô Muhammad, de la part de ton Seigneur, va accroître beaucoup d'entre eux en transgression et en mécréance. Hein? Alors ne sois pas désolé pour les peuples pervers. Donc tout ça pour dire, Yanni, qu'ils prennent une partie d'un verset, puis ils laissent l'autre. Alors qu'il faut prendre le verset au complet. Hein? Donc, ça veut dire, vous devez croire aussi en le Coran. Est-ce que vous avez cru au Coran? Non. Donc, il y a beaucoup d'exemples comme ça, Yanni. Il y en a beaucoup, mais là, si je m'attarde à donner plus d'exemples, on va pas avancer. Donc, Inch'Allah, on y reviendra. Le Cheikh, il dit ensuite, donc, que les gens de la Sunna, hein, contrairement aux gens de la Bid'a, ils prennent qu'est-ce qui est muhkam, les muhkamat, et les versets qui sont mutashabihat, quand ils ne peuvent pas les comprendre par eux-mêmes, ils les ramènent aux versets qui sont muhkamat pour les réunir ensemble. Hein? C'est comme par exemple, qu'est-ce que tu vois de la part de certains parmi les égarés et les gens de bid'a, hein, qui vont dire par exemple, ils vont prendre un verset « Inil hukmu illa lillah » C'est ça que les Khawarij ont fait à l'époque de Ali ibn Abi Talib. Hein? Radiallahu anhu. Ils sont venus voir Ali, ils ont dit, toi, t'es un kafir, tu ne juges pas par la loi d'Allah. Alaykoum salam wa rahmatullah. Parce que tu as pris des juges et des arbitres dans la religion. Hein? Alors que Allah il dit, Inil hukmu illa lillah. Le jugement n'appartient qu'à Allah. Hein? Donc Ali radiyallahu anhu il a répondu en disant kalimatu haqqin uridu biha al-batil. C'est une parole vraie, mais eux ils ont voulu le faux, hein? Ils ont interprété le verset d'une façon fausse. Donc yani, les gens de bid'ah c'est comme ça, ils prennent un verset hors de son contexte, puis ils essaient de l'appliquer pour juger sur les gens, mais ils jugent d'une façon incorrecte. Parce que ils prennent un verset, ils laissent les autres. Hein? Et donc, c'est pour ça. Regarde les Khawarij quand ils prennent les versets sur le djihad. Hein? Et même les kuffars, ils font ça. Ils vont dire, ah, regardez, l'islam, c'est une religion de violence, c'est une religion de guerre et de sang. Et ils te citent tous les versets qui parlent de l'épée et du djihad et de l'ordre de combattre. Ils ont dit ça veut dire que les musulmans doivent tuer. Ils doivent tuer tout le monde qui ne sont pas musulmans. Et les Khawarij, ils disent, oui, c'est vrai, vous avez raison. Et les Kuffar, ils disent, ah ben vous voyez, ces Khawarij-là, c'est eux les vrais musulmans. Parce que c'est eux qui appliquent le Coran à la lettre, soi-disant. Et les deux, ils sont dans l'égarement. Un, ils sont dans un extrême et les autres, ils sont dans l'autre. Et les deux, ils sont dans l'égarement total parce que la façon dont le prophète sallallahu alayhi wa sallam et les sahaba ont compris ces versets-là et comment ils les ont mis en pratique, hein, c'est pas de la façon que ces khawarij-là l'ont compris. Parce qu'il y a des conditions, il y a des règles. Et c'est pas seulement de prendre un ou deux ou trois versets, mais de prendre tous les versets, tous les hadiths qui parlent de ce sujet-là, de les rassembler ensemble pour avoir une compréhension claire de toutes les façons dont on doit appliquer ces versets-là selon la circonstance et selon le contexte. Donc ça, c'est important, mais ça prend de la science et c'est les ulama qui sont capables de faire ça. Hein? Donc, ça, c'est des exemples. Il y a aussi les versets qui sont am et d'autres qui sont khas. Et des hadiths aussi. Am, ça veut dire des versets, c'est général. Mais d'autres qui sont spécifiques, qui viennent limiter ou restreindre l'application d'un verset général ou d'un hadith qui est général. Hein? Donc, il y en a qui disent, il y a une contradiction là. Non! Ce verset-là, il est général, et ça, c'est une exception. C'est un cas qui vient limiter le cas général. Ou bien parfois, il y a qu'est-ce qu'il y a nasikh wal mansour. Nasikh wal mansour, c'est-à-dire qu'est-ce qui est abrogeant et qu'est-ce qui est abrogé. Et le cheikh dit l'abrogeant et l'abrogé, ça aussi, ça fait partie des exemples. Sauf que l'abrogation, c'est seulement dans les textes qui parlent des règles de la religion et non pas dans les informations ou dans la connaissance. Parce que qu'est-ce qui est vrai ou faux, ça ne peut pas être abrogé. Qu'est-ce qui est vrai, ça doit être vrai tout le temps. Qu'est-ce qui est faux, ça sera toujours faux. Mais si quelque chose, Allah Azza wa Jal, il l'a ordonné ou il l'a interdit, ça peut changer parfois. Au début, il l'a permis, après, il l'a interdit. Ou le contraire. Hein, et c'est ce qu'on appelle l'abrogation, comme l'alcool par exemple. Donc, ensuite le cheikh il dit que tout ça c'est pour dire quoi? C'est que ces gens-là ils frappent les textes, ils les frappent les uns contre les autres, comme si c'était des textes qui se contredisaient. Et c'est ce que font les khawarij et c'est ce que font les murji'a. Et la même chose, on pourrait prendre aussi la même chose dans d'autres sujets, comme le sujet du qadar, entre les Jabriya et les Qadariya. La même chose. Et dans d'autres domaines aussi, il y a d'autres types d'égarements. Donc, oui. Jabriya et les Qadariya, on en a parlé déjà, ou bien on va en parler plus tard. C'est à propos du qadar, ceux qui ont dévié ou exagéré, soit ils exagèrent dans l'affirmation du qadar au point d'enlever à la créature ou au serviteur sa volonté et sa capacité. Donc ils disent tout ce qu'on fait c'est comme si on est des marionnettes, on n'a aucune volonté, hein, comme une plume dans le vent. Hein, ça c'est les Jabriya. Et les Qadariya c'est le contraire. Qadariya ils disent ils affirment le choix et la liberté de la créature au point de limiter la volonté et la puissance du créateur. Hein? Et même parfois aussi sa science. Donc c'est des égarements, c'est deux extrêmes. Et les gens de la sunna qui sont dans le juste milieu à ce sujet-là. Donc le cheikh il explique et il dit que les murji'a, donc, ils s'accrochent, comme on a dit, au verset qui parle de la promesse de la miséricorde et du paradis, et ils négligent et ils laissent les textes qui parlent de la menace, qui sont révélés, hein, qui mentionnent les gens qui ont commis des grands péchés parmi les musulmans. Donc, on a dans le dars de Dawa, on est en train de faire une énumération de plusieurs hadiths qui mentionnent justement des menaces et des punitions pour des musulmans qui commettent des grands péchés. Et on voit clairement dans ces hadiths-là que les murji'a sont dans l'erreur. Hein, parce que eux, ils regardent que la miséricorde, la promesse, mais ils délaissent les menaces par rapport au péché. Pourquoi? Parce qu'ils se disent, du moment qu'on est croyant, on va pas aller en enfer. Donc ça dérange pas de c'est-à-dire ça dérange pas ces versets-là, ça nous concerne pas. Et ces hadiths-là, ça nous concerne pas. Ça concerne les kuffars. Hein? Parce que ils ont vu le verset dans le Coran qui dit "U'iddat lil kafirin." L'enfer, il est préparé pour les mécréants. Donc ils se sont dit, nous on n'est pas des mécréants, donc c'est pas préparé pour nous. Donc on va pas rentrer en enfer, peu importe qu'est-ce qu'on fait, parce qu'on est croyants. Et donc ça c'est parce qu'ils ont pas compris les textes correctement. Et le fait qu'ils soient croyants, ça ne veut pas dire qu'ils ne puissent pas rentrer en enfer. Hein? Et il mentionne le cheikh comme exemple, le fait que Allah Azza wa Jal a menacé les musulmans qui consomment les biens des orphelins. Et Allah Azza wa Jal, il dit dans le verset 10, dans Surat An-Nisa, ceux qui consomment les biens des orphelins injustement, ils ne font que consommer du feu dans leur ventre. Et ils brûleront dans la fournaise, dans l'enfer. Donc ça, c'est une menace pour qui ? Pour le musulman qui consomme les biens des orphelins. Hein? Que s'ils font ça, ils sont menacés de l'enfer. Et la même chose pour celui qui a commis le zina, ou qui a volé, ou qui a bu de l'alcool. Il y a des punitions qui ont été légiférées pour ces péchés-là dans ce bas monde, hein? Et qui sont des péchés, qui sont pour ces péchés-là. Et il y a des châtiments qui sont mentionnés aussi pour l'au-delà, hein, dans l'enfer, pour les gens qui font ça, qui font ces péchés-là. Donc, le cheikh, il dit, et malgré ça, les murji'a, pour eux, ils disent que la foi, elle diminue pas malgré tout. Et même ceux qui sont plus extrêmes parmi eux, ils disent que ils vont malgré tout entrer au paradis et ils ne vont pas entrer en enfer, jamais, et l'enfer ne va jamais les toucher. Donc ça, c'est de l'égarement. Et le cheikh, il dit, وَالْخَوَارِجِ وَالْمُعْتَزِلَ عَلَى النَّقِيدِ مِنْ ذَلِكَ فَلَوْ ارْتَكَبَ كَبِيرَةً وَاحِدَةً وَلَمْ يَتُبْ مِنْهَا فَإِنَّهُ إِلَى النَّارِ خَالِدًا مُخَلَّدًا فِيهَا نَسَلُ اللَّهَ الْعَافِيَةِ. Il dit, par opposition au murji'a, les khawarij sont dans l'autre opposé. Eux, ils te disent, si quelqu'un fait un grand péché seulement et qu'il ne se repent pas, il sera en enfer pour l'éternité. Hein? Il ne va jamais en sortir. Voilà, yadu billah. Et donc le cheikh, il dit ensuite, wa ahlu sunnati bi khilafi haula wa ulaik. عندهم العاصي تحت مشيئة الله. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ما عدا ذلك يعني ما عدا الشرك يغفره الله تبارك وتعالى. هذا وعد من الله تبارك وتعالى فمرتكب الكبيرة له عند الله وعد أن يغفر له ذنبه قبل العذاب أو بعده ذلك راجع إلى مشيئة الله إن شاء عذبه بقدر ذنبه ثم أخرجه من النار وإن شاء عفى عنه رأسا بفضله ورحمته وكرمه سبحانه وتعالى وكثير من أهل الكبائر يدخلون النار يدخل النار أقوام ثم يشفع فيهم الشفعاء فيخرجون فوجا فوجا يخرجون أفواجا حتى تنفذ الشفاعات كلها فيقول الله عز وجل شفعت الملائكة وشفع النبيون وشفع المؤمنون ولم يبقى إلا أرحم الراحمين فيقبض قبضة من النار فيخرج منها قوما لم يعملوا خيرا قط كما ورد في الأحاديث الصحيحة. Donc il dit le cheikh que يعني les gens de la sunna, contrairement aux khawarij et aux murji'a, hein, pour eux, le musulman qui a commis des péchés, il est sous la volonté d'Allah Azza wa Jal. Pourquoi? Parce que Allah Azza wa Jal, il dit dans le verset 48, dans Surat An-Nisa, certes Allah, il dit ce qui signifie, certes Allah ne pardonne pas qu'on fasse du shirk avec lui, mais en dehors du shirk, il pardonne tout autre péché moindre que le shirk à qui il veut. Donc ça veut dire que si tu meurs sans te repentir d'un péché et que ce péché-là, il n'est pas ou il n'a pas atteint le degré du shirk majeur ou du kufr majeur, eh bien Allah Azza wa Jal, il va le pardonner ce péché-là. Ça, c'est une promesse de la part d'Allah. Donc le musulman qui a commis un grand péché, hein, et qui est mort sans se repentir de ce péché-là, il a malgré tout une promesse que Allah va lui pardonner ce péché-là, soit avant de le châtier, ou soit après l'avoir châtié. C'est-à-dire, soit avant de l'avoir châtié, c'est-à-dire il va le faire rentrer au paradis directement, ou soit il va le mettre en enfer, puis ensuite il va le faire sortir. Et le cheikh, il dit ça, ça revient à la volonté d'Allah, Azza wa Jal. Et celui qu'il veut châtier, il va le châtier selon la proportion de son péché, et il va le faire sortir de l'enfer, pour le faire rentrer au paradis pour l'éternité. Et s'il veut lui pardonner directement, par sa grâce et sa miséricorde, il va le faire. Et le cheikh dit, il y a beaucoup d'entre les gens qui ont commis des grands péchés, qui vont rentrer en enfer, et Allah Azza wa Jal va faire entrer en enfer des gens, puis il y a des intercesseurs qui vont intercéder pour eux, et ils vont donc sortir de l'enfer par groupe. Hein? Par groupe. Et donc, il y a des gens qui vont sortir par groupe jusqu'à ce que toutes les intercessions aient été épuisées. C'est-à-dire qu'il n'en reste plus d'intercessions. Il n'y a plus personne, hein, pour intercéder. Alors, Allah Azza wa Jal, il va dire, les anges ont intercédé. Les prophètes ont intercédé. Et les croyants ont intercédé. Maintenant, il ne reste plus que le plus miséricordieux des miséricordieux. Alors, il va prendre une poignée des gens de l'enfer. Hein, parmi les gens de l'enfer, il va en prendre une poignée parmi des gens qui n'ont même pas fait rien de bien. Qui n'ont rien fait de bien du tout. Hein, et il va les prendre, il va les faire sortir de l'enfer. Subhanallah. Donc ça, c'est un hadith qui montre la grandeur et l'immensité du pardon et la miséricorde d'Allah Azza wa Jal. Parce que la main d'Allah, c'est pas comme la main d'une créature. Et donc, s'il prend une poignée dans l'enfer, on ne sait pas combien vont être compris dans cette miséricorde-là et dans ce bien-là. Et bien entendu, on ne peut pas imaginer la main d'Allah, ni savoir comment elle est, hein, parce qu'il n'y a rien qui lui ressemble. Et il est l'audient et le voyant. Laysa kamithlihi shay, wa huwa as-sami' al-basir. Mais il a une main qui correspond et qui convient à sa grandeur, à sa majesté, à sa perfection. Et, na'am. Dis-toi que tout ce que tu imagines, c'est pas Allah. Na'am. Hein? Tout ce que tu imagines, c'est pas Allah. Parce que Allah, personne ne peut l'imaginer. Et le cheikh il dit ensuite, قال المصنف رحمه الله يعتقد أهل السنة أن المؤمن وإن أذنب ذنوبا كثيرة صغائر كانت أو كبائر فإنه لا يكفر بها لا يخرج بها من الإيمان خلافا للخوارج فإنه يكفر بها عندهم وخلافا للمعتزلة أيضا فإنهم وإن لم يكفروا بها إلا أنهم يخرجون بها صاحبها من الإيمان ويجعلونه في منزلة بين المنزلتين وعند أهل السنة لا يكفر بها إلا إذا ارتكب مكفرا من الذنوب مثل سب الله وسب الرسول صلى الله عليه وسلم أو أهان المصحف أو سجد لغير الله وما شاكل ذلك من المكفرات إذا فعل واحدا من هذه المكفرات خرج من دائرة الإيمان فهو كافر، أما بالمعصية فلا يكفر ولا يخرج من دائرة الإسلام. والنصوص متوافرة أو متواترة ومتضافرة في هذا الموضوع. Donc le Cheikh il explique que l'auteur, l'imam As-Sabuni, rahimahullah, il dit que les gens de la Sunna croient que le croyant, lorsqu'il commet des péchés, même si c'est nombreux, hein, même si c'est de nombreux péchés, que ce soit des petits ou des grands péchés, on ne le déclare pas mécréant pour ça. Il dit, il ne sort pas de la foi, contrairement aux Khawarij, qui eux le considèrent mécréant. Hein? Et contrairement également aux Mu'tazila, qui disent, même s'ils disent qu'il n'est pas mu'min, il n'est pas kafir, mais dans l'au-delà, yani, ils disent il n'est pas mu'min, il n'est pas kafir, mais ils le font sortir de la foi en disant qu'il est dans un degré entre les deux. C'est-à-dire, ils disent qu'il n'est pas mu'min. Il n'est pas kafir, mais il n'est pas mu'min. Ça, c'est une des bid'as des Mu'tazila. On appelle la bid'a de al-qawl bil manzilati bayn al-manzilatayn. Hein? Donc ça, c'est une des choses qu'ils ont inventées à propos de la foi. Que si quelqu'un commet un péché parmi les musulmans, wa alaykoum salam wa rahmatullah, s'il fait un péché, il sort de la foi, mais il ne rentre pas dans le coffre. Il est entre les deux. Il n'est pas mu'min, il n'est pas kafir. Mais dans l'au-delà, il va être pour l'éternité en enfer. Donc il rejoint les Khawarij. Allah al-musta'an. Donc, le Cheikh, il dit, tandis que selon les gens de la Sunna, Ahl al-Sunna wal Jama'a, ils ne considèrent pas cette personne-là comme étant kafir. Il dit, excepté s'il a commis un acte parmi les péchés qui a atteint le degré du kufr. Comme par exemple, celui qui a insulté Allah ou qui a insulté le messager, sallallahu alayhi wa sallam. Hein, ou qui se moque de la religion. L'istihza bid-din. Hein, l'istihza bil-rasul, sallallahu alayhi wa sallam. Ça, c'est kufr. Ou bien, qui a dénigré le mushaf. Hein, il a dérespecté le Coran, le mushaf. Hein, il a marché dessus ou des choses comme ça. Ou il s'est prosterné devant autre que Allah. Ou des choses de ce genre. Donc si quelqu'un fait une de ces choses qui font partie des choses qui correspondent à des actes de kufr, à ce moment-là, il sort du cercle de la foi. Oui, à ce moment-là, il devient kafir. Mais si c'est un péché parmi les péchés qu'il a commis, hein, alors il ne sort pas de la foi à cause de ça. Si par exemple, il a fait le zina, ou bien l'abus de l'alcool, ou bien hein, il a mangé du porc, ou bien il a fait des transactions de riba, ou bien il est tombé dans un péché quelconque. On va dire s'il est... surtout à notre époque, il y a beaucoup de gens qui tombent dans l'homosexualité ou des affaires comme ça. S'il a fait la sodomie, tu ne vas pas dire qu'il est kafir. Tu ne vas pas dire qu'il est kafir pour ça. Hein? Parce que ça, c'est des grands péchés, mais ça ne fait pas sortir de l'islam. Mais il y a des gens, les Khawarij, vont dire, non, ça c'est kufr, celui qui fait ça, il est kafir. Sort de l'islam. Non, il ne sort pas de l'islam, c'est un péché. Non. Non, c'est ça, c'est si quelqu'un il a fait un acte de kufr, il doit se repentir de cet acte de kufr. C'est comme si quelqu'un, par exemple, il est chrétien. Comment il doit faire pour entrer dans l'islam? Il dit la ilaha illallah avec foi et sincérité, puis il devient musulman. Et si quelqu'un il a quitté l'islam parce qu'il a insulté Allah ou son messager, donc ça c'est un acte de kufr. Donc là, il doit se repentir de ça et renouveler sa foi. Hein? Et se repentir d'avoir dit ce qu'il a dit. Et ainsi de suite. Ouais, non, c'est clair. Et s'il se repent, Allah va lui pardonner. Hein? Va lui pardonner. Naam. Oui, en principe, oui, si. S'il a fait un acte de kofr et il ne s'est pas repenti, il est toujours kafir jusqu'à ce qu'il se repente. Ouais, non, c'est ça. La personne, il y a beaucoup de gens comme ça, comme tu dis, ils font des choses qui sont kofr ou shirk, puis ils continuent à pratiquer la religion parce que. Ils s'imaginent pas que qu'est-ce qu'ils font, c'est en opposition avec la religion et que ça contredit la foi. Même j'ai entendu l'histoire, je ne sais pas si vous avez déjà entendu ça aussi. Il y a des gens qui partent pour faire le Hajj et la première chose qu'ils font lorsqu'ils reviennent du Hajj dans leur pays, ils s'en vont prier à la tombe d'un wali pour le remercier de leur avoir. De les avoir ramenés en sécurité dans leur pays, soi-disant. Au lieu de remercier Allah Azzawajal, ils vont pour remercier le wali. Hein. C'est comme si ils ont été faire une adoration, puis en revenant, ils sont allés la détruire en faisant du shirk. Donc ça, c'est grave. Yani. Allah musta'an. Donc, le fait que quelqu'un pratique la religion, en même temps, il se moque de l'islam, ou il dénigre le mushaf, ou des choses comme ça. Eh bien, ça, c'est quelqu'un, il faut qu'il se repente de ça. Hein? Parce que s'il meurt dans cet état-là, sans se repentir, il va rencontrer Allah sans être un mu'min. Non. C'est-à-dire. Que la Beit al-Maqdis, ça fait partie des trois mosquées, des trois lieux saints que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a encouragé de visiter. Il l'a dit dans le hadith, la tushaddu rihal, ou la tashuddu rihal, illa ila thalathati masajid. Masjidi hada, ou le masjid al-haram, ou le masjid al-aqsa. Donc ça, c'est les trois mosquées qu'on peut visiter effectivement. Et il y a des mérites. Hein, d'aller dans ces endroits-là pour prier. Non. Où est-ce qu'on était rendu? C'est ça. Donc, le cheikh, il dit ensuite que. Donc, il dit si c'est un péché, par contre, ça ne fait pas sortir de l'islam. Et il dit les textes à ce sujet-là sont très nombreux. Non. Donc on va s'arrêter ici pour aujourd'hui, inshallah. Puis on va continuer la semaine prochaine. Subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.